Enseignement par le vénérable Sayadaw Unanujota, retraite de méditation Vipassana, juillet 2018, centre d'Amarancy de Rivière. Sayadaw se réjouit de vous voir tous rassemblés ici pour cette retraite. Il y a parmi vous des méditants expérimentés et des méditants débutants. Vous avez tous entendu les instructions hier, mais comme elles sont très importantes, Sayadaw aimerait en donner de nouvelles plus détaillées. Selon la méthode du très vénérable Mahasi Sayadaw, le méditant Vipassana doit observer la respiration telle qu'elle se manifeste au niveau de l'abdomen. Lorsqu'il inspire, il doit se focaliser sur cette région du corps et ressentir le mouvement de dilatation. Lorsqu'il expire, il se concentre de nouveau sur l'abdomen et doit ressentir le mouvement de contraction. Assurez-vous d'observer correctement ces deux mouvements, de les ressentir et de maintenir votre attention pendant toute la durée de ce double processus. Il est très important de maintenir son attention du début à la fin du processus, lorsque le mouvement de soulèvement a lieu au moment de l'inspiration, soyez sûr de l'observer du début à la fin. Lorsque le mouvement d'abaissement a lieu, soyez sûr également de l'observer du début à la fin. Si vous ne ressentez pas bien le mouvement dans l'abdomen, s'il n'est pas clair, vous pouvez poser votre main sur l'abdomen. Vous allez ainsi pouvoir le ressentir plus facilement. Mais essayez de ne pas forcer la respiration. Si vous forcez la respiration, que vous essayez de la rendre plus claire, vous allez vous fatiguer. Si vous êtes fatigué, vous ne pourrez pas développer facilement votre concentration. Essayez donc de ne pas forcer, mais de respirer normalement. Si vous procédez ainsi et que vous êtes attentif aux mouvements qui sont provoqués par la respiration et que vous observez au niveau de l'abdomen, vous pratiquez ce que l'on appelle en pali Kaya Nupassana, la contemplation du corps. C'est une des quatre bases de l'attention, une des quatre satipatthana. Vous observez le corps dans le corps. Après quelque temps, il est possible que des pensées commencent à s'infiltrer dans votre esprit. Vous pourriez par exemple vous retrouver à la maison en imagination ou au bureau. Dès que vous vous rendez compte que vous vous êtes mis à penser, vous devez noter « penser, penser » et vous revenez tout de suite à l'objet primaire, c'est-à-dire les mouvements de l'abdomen. Il est possible par exemple que vous vous imaginiez parler à des amis en faisant des projets d'avenir, quel que soit le type de pensée, vous devez noter ce phénomène, penser, penser, ou parler, parler si vous êtes occupé à parler en imagination. Les pensées vont sans doute amener des émotions. Il est possible que vous voyiez dans votre esprit de la colère, de la joie. Ces émotions sont provoquées, sont conditionnées par la pensée. Si c'est le cas, vous devez immédiatement noter l'émotion. Vous notez colère, colère, joie, joie, etc. Et vous revenez tout de suite au mouvement de l'abdomen. Essayez de ne pas suivre les pensées. Lorsqu'il y a des pensées, vous devez donc immédiatement noter « penser, penser ». Mais si l'émotion est déjà apparue, vous notez tout simplement joie, joie ou colère, colère, et vous revenez à l'abdomen. Ne réfléchissez pas à propos de cette émotion. Ne vous mettez pas à chercher pourquoi la colère ou la joie est apparue. Notez tout simplement l'émotion en tant que telle et vous revenez à l'abdomen. Notez les pensées est particulièrement difficile pour l'aimer du temps, car leur esprit est constamment envahi par toutes sortes de vagabondages. Mais il doit malgré tout essayer de se rendre compte le plus vite possible qu'il est occupé à penser. Il doit noter, penser, penser et revenir tout de suite à l'abdomen. Au début de la retraite, il n'est pas possible de noter les pensées immédiatement. Et c'est la même chose pour les débutants. Il est difficile pour un débutant de noter immédiatement les pensées. Il ne les note pas très rapidement. Mais il doit poursuivre son effort, continuer à noter, vaille que vaille. Dès qu'il se met à penser, il doit essayer de s'en rendre compte le plus vite possible et faire l'effort de noter, penser, penser, l'abandonner et revenir à l'abdomen. Noter ainsi les pensées, c'est pratiquer Cittanupassana en pali, la contemplation de l'esprit. C'est une autre base de l'attention. Il y en a quatre. Après être resté assis immobile pendant un certain temps, il est fort probable que des sensations désagréables se manifestent dans le corps. Il y aura des raideurs, des tiraillements, des brûlures, etc. Lorsque ces choses se manifestent, vous devez les noter telles qu'elles se manifestent. Vous répétez mentalement « raideur, raideur ». Tiraillement, tiraillement, chaleur, chaleur, brûlure, brûlure, etc. Vous devez essayer de développer la patience par rapport à la sensation désagréable et l'observer telle qu'elle se manifeste. Essayez de persévérer dans votre effort. Observez attentivement. Essayez de ne pas changer immédiatement de posture. Essayez de continuer à noter sans bouger. Si le méditant bouge, la concentration, le samadhi ne va pas pouvoir se développer correctement. La concentration ne peut en effet se développer que lorsque le méditant persévère dans son effort et qu'il note sans interruption les sensations désagréables. Il est possible que, par moments, les douleurs se manifestent à plusieurs endroits en même temps. Vous devez alors choisir la douleur qui est la plus claire, la plus intense, et vous ignorez les autres. Vous notez cette douleur intense et vous revenez à l'abdomen. Il faut toujours observer ce qui est le plus clair et ignorer celles qui sont moins claires. Si la douleur s'intensifie au moins au point que vous ne puissiez plus la supporter, vous allez sans doute voir apparaître dans votre esprit l'intention de changer de posture. Vous devez alors noter ce désir, intention de changer, intention de changer. Vous commencez donc par noter le désir, et ensuite seulement vous bougez le corps très lentement. Vous commencez par les jambes. Vous notez ce mouvement et toutes les attitudes du corps qui vont suivre. Vous faites tout cela très attentivement et lentement. Vous observez sans interruption. Vous levez le genou, vous bougez le haut du corps, vous observez toutes les activités du corps. Vous devez cependant essayer d'observer la douleur le plus longtemps possible, car si vous bougez trop souvent, le samadhi ne va pas bien se construire. Essayez donc de vous montrer courageux, de persévérer dans votre effort à noter les sensations désagréables, de façon à ce que votre concentration puisse se développer. Si la concentration se développe, la sagesse va certainement se manifester. Mais si vous bougez constamment, la concentration ne va pas bien se développer et les connaissances vipassana seront lentes à se manifester. C'est pour cette raison qu'on encourage les méditants à persévérer dans leur observation des douleurs, sans bouger. Observer ainsi les douleurs au cours de la méditation, c'est observer Vedana, les ressentis, c'est encore une base de l'attention, Vedana Nupassana, la contemplation des ressentis. Au cours de la méditation, vous allez également expérimenter des contacts sensoriels. Vous allez peut-être voir certaines choses, même si c'est en imagination. Vous devez alors noter, voir, et revenir tout de suite à l'abdomen. Vous entendrez peut-être des bruits. Vous notez entendre, et vous revenez tout de suite à l'abdomen. Il y aura peut-être des odeurs. Tout ceci est possible. Vous devez chaque fois noter ces contacts sensoriels au moment précis où ils se manifestent dans votre esprit, mais vous ne vous y attardez pas, vous revenez tout de suite à l'abdomen. À propos des bruits, il faut savoir qu'il ne faut noter que les bruits qui sont vraiment prédominants. Il ne faut pas noter les bruits qui sont constants, qui constituent une espèce de bruit de fond. Vous entendez par exemple les voitures qui passent dans la rue. Elles n'en finissent pas de passer et de faire une espèce de bruit de fond. Vous ne devez pas noter ce bruit de fond. Contentez-vous de les noter au début, lorsque vous les entendez pour la première fois, vous les notez une ou deux fois, et ensuite vous ne vous en occupez plus, vous les ignorez. Ne notez que les bruits qui sont prédominants, qui apparaissent subitement de façon abrupte, comme par exemple l'aboiement d'un chien, un coup de klaxon. Vous notez alors entendre, et vous revenez à l'abdomen. Ceci peut se produire également pendant la méditation en marche. Il y aura le chant des oiseaux, il y aura des odeurs qui sont récurrentes. Vous ne vous occupez pas de ces bruits de fond ni de ces visions récurrentes. Vous ne notez que les phénomènes qui se manifestent de façon abrupte, soudaine. Notez ainsi les contacts sensoriels, c'est la quatrième base de l'attention, le quatrième satipatthana, dhammanupassana, la contemplation des dhammas. Ceci suffit pour la méditation en posture assise. Sayadaw répète encore une fois que ces instructions sont très importantes et que vous devez les appliquer si vous voulez progresser dans la méditation. Voyons maintenant la méditation en marche. Elle se pratique selon trois méthodes. La première, C'est la méthode qui consiste à faire une note à chaque pas. Vous notez tout simplement pas gauche, pas droit. Pas gauche, pas droit. La seconde méthode consiste à faire deux notes à chaque pas. Vous notez lever, placer. Lever, placer. Vous faites deux notes à chaque pas. Lorsque vous notez lever, essayez d'attraper ce mouvement dès son point de départ et maintenez votre attention jusqu'à ce qu'il se termine. Pour le mouvement d'abaissement également, observez ce mouvement du début à la fin. Attrapez-le dès son point de départ et vous maintenez votre attention jusqu'à ce que vous sentiez le pied qui prend appui fermement sur le sol. Il faut observer sans interruption. L'attention doit être toujours présente et maintenue sans interruption. Vous devez voir ces deux mouvements, lever, placer, dans leur entièreté. Lorsque le pied quitte le sol, le talon quitte le sol, c'est le début du mouvement d'élévation. Vous observez et maintenez votre attention très vigilante jusqu'à ce que le mouvement se termine. Et c'est la même chose pour l'abaissement. La troisième méthode consiste à faire trois notes à chaque pas. Vous notez, lever, avancer, placer. Vous devez synchroniser prise de conscience et mouvement. Et vous devez être très attentif lorsque vous observez ces trois mouvements. Lorsque vous levez le pied, vous le voyez quitter le sol, vous maintenez votre attention jusqu'à ce que ce mouvement d'élévation se termine. Vous voyez ensuite apparaître le mouvement d'avancement et vous maintenez votre attention très vigilante jusqu'à ce que le mouvement se termine. Lorsque l'abaissement se produit, le placement du pied, vous observez ce mouvement sans interruption pendant toute la durée du processus jusqu'à ce que vous sentiez le corps qui prend appui sur le sol. Sayadaw recommande aux méditants de commencer par ne noter que les deux premières méthodes. Au début, vous ne devez donc utiliser que les deux premières méthodes. La première, qui consiste à faire une note à chaque pas, gauche, droite. Et après une trentaine de minutes, vous passez à la deuxième méthode et vous faites deux notes, lever, placer. Vous allez pratiquer ainsi en n'utilisant que les deux premières méthodes pendant 3 ou 4 jours. Vous pourrez ensuite passer à la troisième méthode qui consiste à faire 3 notes à chaque pas. Sayadaw a peur que si vous passez directement à la troisième méthode, vous soyez tendu et qu'en réalité vous ne réussissiez pas à observer attentivement. Lorsqu'on pratique la marche, il est très important également de contrôler les yeux. Essayez de maintenir votre regard dirigé vers le bas à 3 ou 4 mètres devant vous. Évitez de regarder de tous côtés. Ce n'est qu'en contrôlant les yeux que l'esprit sera contrôlé. Si vous ne contrôlez pas vos yeux, il sera impossible de développer l'attention. Il y a donc 2 points importants lorsqu'on pratique la marche. Le premier consiste à contrôler les yeux, à maintenir le regard dirigé vers le bas, de façon à ne pas être distrait, de ne pas regarder de tous côtés. Le deuxième point important, c'est de maintenir l'attention sur le pied qui est en mouvement. Observez attentivement le pied qui est en mouvement. Essayez de vous investir à fond dans cette observation. Si vous procédez ainsi et que vous appliquez ces deux conseils, que vous évitez de regarder de tous côtés et que vous maintenez votre attention fixée sans interruption sur le pied qui est en mouvement, vous progresserez très rapidement, votre samadhi va se développer car vous maintenez la continuité de l'attention. Et lorsque la concentration devient forte, les connaissances vipassana se manifestent. Vous devrez également vous choisir une piste correcte. Il faut que la piste soit bien droite, qu'elle ne soit ni trop longue ni trop courte. 5 ou 10 mètres est une bonne distance. Vous allez ensuite parcourir cette piste de long en large. Vous faites des allers-retours sur cette piste. Essayez de la pratiquer de façon systématique. Évitez de prendre au retour un autre trajet. Vous devez aller et venir sur la même piste. Restez toujours sur la même piste à l'aller comme au retour. Évitez d'en faire une promenade. Vous devez également marcher de façon naturelle, en évitant de faire des pas trop longs ou trop courts. Soyez naturel. Au moment où vous observez le mouvement d'élévation du pied, évitez de lever le pied trop haut. Ce ne serait pas naturel. Soyez donc très naturel lorsque vous pratiquez la marche. Marchez normalement. Les mains sont en général maintenues soit devant l'abdomen, soit dans le dos. Ce sont les instructions classiques. Évitez de laisser pendre les bras le long du corps. Les débutants ressentent parfois la méditation en marche comme fastidieuse. Ils doivent cependant comprendre que la marche permet de développer très rapidement l'attention et la concentration. Il ne faut donc pas avoir une attitude négative par rapport à la marche. La méditation en marche permet de développer une concentration durable que vous allez pouvoir emmener avec vous dans la salle de méditation et qui vous sera très bénéfique lorsque vous pratiquez la méditation en posture assise. Essayez aussi de pratiquer la marche pendant toute l'heure. Et essayez d'emmener cette bonne concentration avec vous lorsque vous retournez dans la salle de méditation. N'interrompez pas l'attention. La méditation en marche est très bénéfique. Il y a des maîtres qui proposent à leurs élèves de la pratiquer pendant plus longtemps qu'une heure. Elle développe une très forte concentration. Mais ici, le programme est établi, vous devez le suivre et donc ne pratiquer la marche que pendant une heure. Mais n'hésitez pas à faire cette heure de marche dans son entièreté. Lorsque vous prenez vos boissons à 4 heures, essayez de ne pas vous complaire dans cette sensation agréable. Continuez à pratiquer l'attention à ce moment-là. Si vous vous complaisez dans ce plaisir-là, vous n'êtes plus tout à fait dans la voie correcte. Il ne faut pas croire que les boissons à 4 heures sont une période de repos. et que vous pouvez lâcher la tension. Essayez de maintenir la tension même au moment où vous vous rafraîchissez. Dans les activités quotidiennes, vous devez essayer d'être toujours présent à ce que vous faites. Vous devez essayer d'être attentif. Lorsque vous vous déplacez d'une pièce à l'autre, lorsque vous allez à la salle de bain, que vous ouvrez une porte, et au moment du repas. Le méditant doit prendre son repas avec attention et être attentif à tous les mouvements qu'il est amené à faire, comme par exemple disposer la nourriture sur l'assiette, la porter à la bouche, mâcher, avaler. Il doit essayer de faire tout cela consciemment. Les activités quotidiennes, c'est ce qui n'est ni l'assise ni la marche. Toutes les activités, si minimes soient-elles, que vous serez amené à faire tout au long de la journée, doivent s'accompagner d'attention. Essayez d'être attentif chaque fois que vous effectuez un geste. Ce sera très bénéfique pour votre pratique. Votre attention et votre concentration vont très vite se développer. Mais si vous omettez d'être attentif dans les activités quotidiennes, cela va nuire à votre attention et à votre concentration. Ces facteurs ne vont pas bien se développer, ou en tout cas moins rapidement. En résumé, le méditant doit essayer de maintenir l'attention pendant toute la journée, dès le moment où il se réveille le matin jusque tard le soir lorsqu'il va se coucher. Lorsqu'il se réveille le matin, il doit être attentif au fait d'ouvrir les yeux. Il doit être attentif au fait de se mettre debout, de se déplacer, etc. Si vous n'êtes pas présent à ce que vous faites dans les activités quotidiennes, vous n'atteindrez pas la continuité de l'attention et en conséquence, cela va nuire à votre méditation en posture assise et en marche. Essayez donc d'être toujours attentif, que ce soit en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Faites très attention aux activités quotidiennes. Faites un effort pour être attentif à ce moment-là également. Sayadaw va terminer son enseignement en vous recommandant d'être toujours attentif en posture assise, en marche et dans les activités quotidiennes. Essayez d'être attentif à la moindre petite activité que vous serez amené à faire tout au long de la journée. Sayadaw vous souhaite de pouvoir maintenir ainsi votre attention de façon continue et de développer très rapidement votre concentration. Lorsque votre concentration sera devenue puissante, les connaissances vipassana vont se développer. Cette concentration sera en vous, elle y sera automatiquement, naturellement, même si vous ne le voulez pas. Essayez d'être attentif le plus possible, puissiez-vous tous atteindre la paix, puissiez-vous tous réussir à développer une forte attention et une forte concentration.